Boston Boulevard. Parisian news, they drifting from the bar. Tu sais, à chaque fois, raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. La porte est claquée, Jorel est barré.